Chapitre 10e, le fil des marionnettes. Camille et Victor avaient retrouvé leur appartement parisien, niché rue de Montmorency dans le 3e arrondissement. Les tourtereaux s'y étaient construits un nid douillet, reflet fidèle de leurs sensibilités respectives. L'aménagement intérieur, confié à la folie créative de Camille, avait métamorphosé cet ancien enfilade de chambre de bonne sans charme. Sous les mains habiles de la plasticienne, l'espace s'était mué en un logement élégant et original. Reliant les pièces par une série de portes ogivales, elle avait modelé les murs comme une pâte à modeler, s'affranchissant des contraintes de l'existant. Le résultat, un pied-à-terre apaisant et vibrant, à l'image de ce quartier animé, célèbre pour ses cafés, ses théâtres et ses lieux de divertissement. Modeste par sa taille, l'appartement offrait tout le confort moderne. Une cuisine ouverte sur le séjour, une salle de bain, un atelier pour Camille et un bureau pour Victor. Dès l'entrée, une cloison ondulée guidait le regard vers le salon, jouant avec les volumes et insufflant au lieu une sensualité discrète mais saisissante. Le salon, cœur artistique et émotionnel de l'appartement, reflétait la dualité de Camille, héritière aristocratique le week-end à la campagne, artiste débridée dans l'effervescence parisienne. Sur un mur, texturé de faux parois en pierre, une tapisserie d'après François Boucher, rescapée des rénovations du château de la Herse, apportait une touche d'élégance intemporelle. La scène pastorale, délicatement tissée, contrastait avec l'audace du reste de la pièce. Non loin, une sculpture murale contemporaine signée Inès Otero, El Girasol. Captivait immédiatement l'attention, ce tournesol stylisé, en verre soufflé et métal doré, jouait avec la lumière naturelle pour projeter des reflets chaleureux, animant le salon d'une énergie lumineuse. Pour Camille et Victor, elle était plus qu'une œuvre, un symbole de renouveau et de créativité. Au centre de la pièce, une table basse en acier brossé, conçue par Camille, servait de point de ralliement. Entre carnets de croquis, livres d'art et schémas scientifiques, elle traduisait la fusion de leur univers. Dans un coin du salon, une statue en bronze patiné, sculptée par Camille, intriguait par son esthétique. Abstraite mais évocatrice, elle semblait figer un mouvement audacieux. Ses lignes courbes, mêlées à des angles nets, jouaient entre force et élégance. Un détail, un chapeau asymétrique esquissé dans le métal, attirait particulièrement l'œil, ajoutant à l'œuvre une touche d'insouciance ou de défi selon le point de vue. Dans la lumière vacillante, la statue projetait des ombres mouvantes, laissant deviner une histoire cachée derrière ses formes brutes et fragmentées. Enfin, dans la cuisine, un trésor inattendu trônait discrètement sur une étagère en chêne clair. Un authentique tableau de Maïtou. Cadeau de Victor pour la Saint-Valentin, cette œuvre, d'une valeur de 50 000 euros, semblait paradoxalement se fondre dans l'ensemble, comme s'il avait toujours appartenu à ce lieu. Chaque détail respirait l'équilibre entre tradition et innovation, à l'image du couple. Dans ce cocon intime, Camille et Victor semblaient avoir trouvé leur propre manière de marier leur monde. La dernière pièce de l'enfilade sous les toits, leur chambre, était séparée du reste de l'appartement par un grand rideau de velours bleu profond, un clin d'œil au film Blue Velvet de David Lynch. Ici, la simplicité régnait en maître. Sur le mur, une photographie originale de Martin Parr éclatait de couleurs. Elle capturait une scène balnéaire vibrante, une serviette au motif kitsch abandonnée sur un sable doré, surmontée d'un parasol acidulé. Mais pour Camille et Victor, ce n'était pas juste une image, c'était une clé vers un souvenir partagé. Elle leur évoquait leur échappée belle à Copacabana, lorsqu'ils avaient pris un vol sur un coup de tête pour échapper à l'hiver parisien. Là-bas, au milieu des vagues et de la chaleur écrasante, ils avaient laissé libre cours à leur passion, oubliant tout sauf l'instant présent. Suspendue dans leur chambre, la photographie devenait une capsule d'émotion, un écho discret mais puissant de leur amour fusionnel, brûlant et spontané. Un large lit bas, habillé de draps en lin assorti au rideau, dominait l'espace. De chaque côté, des lampes discrètes diffusaient une lumière douce et intime, enveloppant la pièce d'une sérénité apaisante. Camille était en train de feuilleter le catalogue de l'exposition Caillebotte, peindre les hommes, au musée d'Orsay, qu'elle était allée voir quelque temps auparavant. Elle était allongée sur le ventre, les jambes relevées et croisées en une parfaite croix de Saint-André. Son pied gauche battait distraitement la mesure, tandis qu'elle chantonnait à mi-voix, presque pour elle-même. Un de ces quatre, nous tomberons ensemble, moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. » Les mots de Gainsbourg, égrenés dans un souffle, se mêlaient à la mélodie qui s'échappait de son iPad, posée nonchalamment sur la couette. Pour la jeune baronne, Bonnie n'avait jamais été une simple acolyte, encore moins l'ombre de Clyde. Elle la voyait comme une figure fascinante, une femme indépendante et audacieuse, capable de transcender la violence de ses choix en une poésie brute et tragique. Plus que la muse du gang Barrow, Bonnie était, dans son imaginaire, le cerveau subtil, celui qui orchestrait en silence, canalisant les muscles de Flutz, Palmer, Hamilton, et même la rage incontrôlable de son amant. Camille avait sculpté la mystérieuse statue du salon avec cette vision en tête. Ses lignes fragmentées, presque brutes, racontaient la tension d'une vie menée sur le fil du rasoir, entre audace et désespoir. Le chapeau symétrique, à peine esquissé dans le bronze, devenait un clin d'œil discret à une double identité, celle de la hors-la-loi et de la poète. Suspendue dans le coin du salon, la sculpture n'était pas seulement un hommage à Bonnie Parker, mais aussi une réflexion sur le pouvoir, les contradictions et la liberté. Cet état d'esprit transparaissait également dans les ouvrages qui encombraient la bibliothèque de coin, entassés plutôt que rangés. Entre 60 peintures de Mondrian et l'élégance des molécules de Jean-Pierre Sauvage, le curieux aurait déchiné des titres d'un tout autre acabit. Mévie de Christophe Rocancourt, Le Loup de Wall Street de Jordan Belfort et bien sûr Le Prince de Machiavel. Camille prétendait ne lire ces livres que par pure curiosité intellectuelle, mais la vérité était plus nuancée. À travers ses récits de hors-la-loi, de rebelles et de stratèges, elle nourrissait un imaginaire qui l'aidait à s'adapter à un monde complexe et secret. Alors qu'elle feuilletait distraitement le catalogue, son regard s'attarda sur une page en papier glacé où figurait Rue de Paris, temps de pluie. Elle se souvenait parfaitement du jour où, avec Victor, elle avait vu ce tableau pour la première fois. Il s'était arrêté devant, fasciné par l'ambiance brumeuse et les passants figés, dans une élégance presque cinématographique. Ce jour-là, Camille avait murmuré « C'est peut-être ça, la vraie modernité. » Capter un instant fugace et le rendre éternel. Depuis, ce tableau lui rappelait ce moment d'émerveillement partagé, suspendu hors du temps. Un sourire effleura ses lèvres, tandis qu'elle reprenait doucement, presque en écho à ses pensées, « Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. » Sa mélodie s'interrompit brusquement à l'ouverture de la porte d'entrée. Victor apparut, essoufflé, traînant un énorme sac de sport noir qui semblait peser une tonne. Dans un geste exténué, il le laissa tomber lourdement au sol dans un bruit sourd, avant de s'adosser au mur, une main sur le cœur, exagérant son épuisement avec théâtralité. « Jour de paye, ma chérie, » s'exclama-t-il, « mais sérieusement, il va falloir qu'on trouve un appartement avec ascenseur, ou une tirelire plus légère. Parce qu'à grimper 6 étages à pied, chargé comme une mule, je vais finir par y laisser ma peau. » Camille tourna lentement la tête vers lui, un sourcil levé. Avec une lenteur calculée, elle referma son catalogue d'art, comme pour lui rappeler qu'il venait de troubler un moment sacré. Elle ôta ses écouteurs et, feignant une moue enfantine, répondit sur un ton moqueur « Mon pauvre poussin, viens là, faire un câlin. » Elle l'attira contre sa poitrine, le laissant profiter de son étreinte quelques instants. Tout en caressant tendrement ses cheveux blonds, elle reprit, plus sérieuse « J'espère que ce n'est pas encore des billets. » « Je n'en peux plus des liasses de 200. J'ai beau avoir truffé l'appartement de cachette, ça va finir par déborder. » Victor ne répondit pas, savourant cette étreinte si agréable. Mais Camille, impatiente, mit un terme au moment et d'un geste vif, tira la fermeture éclair du sac. Une montagne de billets, impeccablement alignée, apparut sous ses yeux. Elle les fixa un instant avant de se laisser tomber en arrière avec un soupir. « Sérieusement, Victor, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ?» Tu crois qu'Al Capone planquait son cash dans un sac de sport comme un footballeur du dimanche? Lui, il investissait dans des laveries et des clubs de jazz. La classe, quoi. Nous, on est vraiment des amateurs. C'est comme si toi, tu avais troqué ton diplôme du MIT contre un kit de petit chimiste, et moi, je m'étais remise à gribouiller avec des pastels comme à la maternelle. Ça peut plus durer. Victor haussa les épaules, un sourire en coin. Oui, mais la French Connection, c'était il y a 100 ans. Avant les contrôles fiscaux automatiques. car bon espirito, il n'avait pas à s'inquiéter de la brigade financière. Nous, si on ouvre la vomatique, on risque surtout de se faire repasser. Camille agita une liasse de billets sous le nez de Victor, arborant une expression faussement outrée. Ha ha, très drôle, vraiment très spirituel. Mais il va falloir qu'on se creuse un peu plus la tête. Même Bonnie et Clyde avaient plus d'imagination. Ils planquaient leur fric dans des vieux pots de peinture. Là, franchement, j'ai honte de nous. On dirait un vieux couple de rentiers planquant son magot sous le matelas. Pathétique. Victor observa Camille, intrigué. Te connaissant, si tu abordes ce sujet aujourd'hui, c'est que tu as déjà réfléchi à tout ça. Et probablement que tu as même une solution en tête. Camille éclata de rire. Bien vu, mon cher Watson. Mais pas une solution, deux. Une à Paris, l'autre en province. Victor hocha la tête, amusé. Ah oui, rien que ça. Camille secoua la tête en riant. Évidemment, pas moins. D'un geste rapide, Victor la renversa sur le lit et l'embrassa tendrement. Tant qu'on ne finit pas comme Bonnie and Clyde. Camille esquissa un sourire, mais dans son regard, une lueur fugace trahissait une pensée plus grave. Si tout se passe comme prévu, mon poussin, on sera bien loin de leur fin tragique. Très, très loin. Victor s'assit en tailleur sur le lit face à elle, se demandant ce qu'elle avait bien pu inventer cette fois. « Alors, génie du crime, raconte-moi tes fameux plans. Je suppose que Gribu avec des pastels n'en fait pas partie. » Camille éclata de rire avant de se redresser, son visage soudain sérieux. « Non, mais il faut qu'on parle sérieusement. Ce qu'on ne peut plus faire, c'est investir tout le cash dans nos châteaux. » Victor haussa un sourcil intrigué. « Pourquoi ? Tu n'aimes plus le baroque délabré ?»« Ce n'est pas ça, » soupira Camille. « D'abord, on n'a aucun contrôle sur cet argent une fois qu'il est injecté là-bas. Les rénovations, les entreprises, ça coûte une fortune et ça attire l'attention. Et franchement, tu crois qu'on peut refaire le coup du loto du patrimoine 2 années de suite ?» Victor dodelina la tête avant d'acquiescer. « On pourrait peut-être prétendre que Viollet-le-Duc revient pour un dernier chantier ?» « Sérieusement, Victor, ça va finir par se voir. On doit être plus malin. » Victor se redressa légèrement, visiblement curieux. « Je t'écoute. » Camille prit un air faussement détaché. « Le plus simple, c'est l'art. On convertit le cash en œuvre. C'est facile à stocker, ça prend de la valeur, et si on choisit quelques artistes émergents, on fait grimper leur cote. Résultat, on double la mise. » Victor hocha la tête, impressionné, mais chercha immédiatement la faille. « Et où est-ce que tu comptes entasser tout ça ? L'appartement est déjà trop petit pour accueillir une deuxième sculpture comme Bonnie. » Camille éclata de rire et posa une main sur son torse. « Ah mais ça, c'est déjà réglé. Ton père m'a réservé tout un étage dans l'aile en rénovation au château d'Avron. Entre les alarmes qu'on m'a installées, la bande de Yacine au Rinci, sans oublier les sicaires de la Mocromafia à moins de 20 km, ce sera plus sécurisé que Fort Knox. » Victor leva les mains en signe de capitulation, un sourire incrédule sur le visage. « Tu m'épates, baronne, mais je sens que tu n'en as pas fini. » Camille se pencha vers lui, un éclat malicieux dans les yeux. « Non, en effet, parce que le mieux, ça reste une banque. »« Une banque ?» s'étrangla Victor. « Et comment, exactement, tu comptes ouvrir un compte pour y déposer des montagnes de billets ?» Camille, imperturbable, répondit avec un sourire en coin. « Compte, impossible n'est pas français. » Victor éclata de rire et la regarda avec admiration. « Et quel coup de Trafalgar réserve un Napoléon en jupon à propos de cette banque ?» Camille se redressa, un éclat triomphant dans le regard. « Une vente caritative d'œuvres d'art. Des gens au-dessus de tout soupçon pour organiser l'événement. Et une vraie banque qui nous ouvre un compte parfaitement légal. » Victor fronça les sourcils, perplexe. « Et au profit de qui cette vente ?» Camille lui adressa un clin d'œil complice avant d'éclater de rire. « Mais les orphelins de la police, pardi, qui oserait suspecter une si noble cause ?» Victor resta bouche bée une seconde avant de secouer la tête avec un mélange d'amusement et de stupéfaction. « Je t'adore, Camille, mais des fois, franchement, tu me fais peur. » Camille le fixa, une lueur de défi brillant dans ses yeux. « Oui, poussin, mais c'est pour ça que tu m'aimes. » La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres de la succursale de la Banque Paladine, rue Vieille du Temple. Ce jour-là, l'établissement, d'ordinaire paisible, accueillait une délégation inhabituelle. En tête, la princesse Hermione de Clermont-Lérault avançait avec une grâce souveraine, son tailleur crème impeccablement ajusté reflétant une élégance intemporelle. À ses côtés, le marquis Léopold de la Tour Maubourg, venu de l'Orne, où il officiait comme notaire, affichait une assurance naturelle et ponctuait chaque échange de formules polies, fruits de décennies de mondanité. Derrière eux, Adèle le Rondeau de la Modiquaire attirait les regards par son élégance discrète. Sa robe en soie bleu ciel, simple mais raffinée, épousait une silhouette harmonieuse, tandis que ses cheveux châtains, délicatement coiffés, encadraient un visage aux traits doux. Ses yeux gris verts, calmes et pénétrants, ajoutaient une touche de mystère à sa beauté. Fermant la marche, François-Xavier Charançais, alias Fix, avançait d'un pas mesuré, arborant un costume impeccable. Son expression indéchiffrable et son allure maîtrisée complétaient l'image d'un professionnalisme sans faille. Dans le hall principal, un homme trapu au regard alerte, le directeur de la banque, s'avança pour accueillir la délégation. Les salutations furent brèves, mais empreintes de courtoisie, avant que la princesse ne prenne la parole avec aisance. « Monsieur le directeur, voici l'équipe qui supervisera notre bande caritative, » annonça-t-elle avec un sourire désarmant. Le marquis de la Tour Maubourg officiera en tant que trésorier, tandis que la baronne de la Modiquière et M. Charançais m'assisteront dans l'organisation de l'événement. Le directeur inclina légèrement la tête, un éclat fugace d'admiration traversant ses traits. « Votre cause est noble, et nous sommes honorés que vous ayez choisi notre établissement pour vous accompagner dans ce projet. » Puis il se tourna vers un homme légèrement en retrait, le baron Arnaud d'Herbauges. Élégant dans un costume bleu nuit, ce dernier affichait un sourire empreint de désinvolture, son regard noir pétillant d'une énergie contenue. « Herbauges, pourriez-vous prendre en charge la baronne de la Modiquaire et M. Charançais? Ils auront besoin de votre aide pour les formalités. » Arnaud s'avança avec une courtoisie teintée d'une pointe de malice. « Avec plaisir, » répondit-il en adressant un sourire chaleureux à Adèle, qui baissa légèrement les yeux, troublée malgré elle. D'un geste élégant, il leur indiqua la direction à suivre. « Si vous voulez bien me suivre. » Ils quittèrent le hall, laissant la princesse et le marquis engager une discussion officielle avec le directeur dans un cadre plus feutré. En chemin, Arnaud jeta un regard en coin à Adèle. Ses traits lui rappelaient Camille, mais sa douceur contrastait avec l'intensité de sa sœur cadette. Intrigué, il brisa le silence avec un sourire léger. « On m'a dit que vous aviez un intérêt pour l'histoire, baronne, » dit-il en désignant l'architecture imposante du lieu. « Ce bâtiment devrait vous plaire. » Adèle releva la tête, visiblement intriguée. « Une visite guidée, avec plaisir, » répondit-elle, son sourire trahissant une curiosité croissante. « Cette banque repose sur les fondations d'une ancienne commanderie templière, » expliqua-t-il, un éclat théâtral dans la voix. Les caves actuelles en sont les héritières directes. À l'époque, elles faisaient office de cachot pour les prisonniers. Quant à la salle des coffres, elle occupe précisément l'emplacement de la salle d'armes. Les yeux d'Adèle s'illuminèrent, fascinés par cette plongée dans le passé. Les templiers, voilà qui explique cette atmosphère si particulière. « Et ces caves, elles sont accessibles ?»« Absolument, » répondit-il, avec une inclinaison de tête empreinte de malice. « Si vous le souhaitez, je peux vous offrir une visite privée. » Adèle marqua une légère hésitation. Les rumeurs qui entouraient Arnaud, ce séducteur invétéré, lui revinrent en mémoire. Mais la perspective de découvrir ces lieux empreints d'histoire, loin des regards indiscrets, éveillait une curiosité qu'elle ne pouvait réprimer. « Ce serait un honneur, » dit-elle finalement, un sourire énigmatique éclairant ses traits. Ils quittèrent le hall, laissant la princesse Hermione et le marquis Léopold échanger avec le directeur dans le grand salon lambrissé. Tandis qu'Arnaud guidait Adèle à travers les couloirs feutrés de la banque, ses yeux ne pouvaient s'empêcher de se poser sur elle. La lumière tamisée jouait sur les plis soyeux de sa robe, accentuant la grâce de ses mouvements. Au détour d'un couloir, Arnaud s'arrêta pour s'adresser à Fix, adoptant un ton plus formel. « Monsieur Charançais, je vais demander à la chef de caisse de s'occuper de vos formalités. Elle est la mieux placée pour cela. » Fix hocha la tête, toujours maître de lui. « Très bien, baron. » Quelques instants plus tard, une employée entra, ses gestes précis et son regard assuré. « Voici Monsieur Charançais, qui a un dépôt à effectuer, » annonça Arnaud avant de se tourner vers Adèle. Avec un sourire plus détendu, il lui tendit la main. « Voulez-vous que nous commencions la visite ?» Adèle hocha doucement la tête, un éclat mêlé de prudence et de curiosité dans les yeux. Arnaud la guida alors vers une grande porte en bois massif, ornée de ferrures anciennes et marquée par le temps. Cette entrée date du XIVe siècle. Elle mène à une cave scellée autrefois par les chevaliers de l'ordre, expliqua-t-il, sa voix teintée d'un mystère soigneusement dosé. Adèle s'arrêta devant la porte, ses doigts frôlant les ferrures usées. Scellée, pourquoi ? Demanda-t-elle, captivée. Arnaud haussa légèrement les épaules, un sourire énigmatique effleurant ses lèvres. Officiellement pour protéger l'aurore. Mais cette inscription laisse entendre autre chose. Il poussa doucement la porte, dévoilant une pièce austère où le sol en pierre brute et les murs voûtés semblaient hors du temps. Une atmosphère fraîche et silencieuse les enveloppa, renforçant l'impression d'un lieu figé dans l'éternité. Adèle s'approcha d'une inscription gravée dans la pierre, juste au-dessus d'une alcôve sombre. Les lettres usées semblaient avoir défié les siècles. Ici, seul le cœur sincère peut traverser. Elle recula, légèrement troublée, ses yeux cherchant ceux d'Arnaud. Une énigme ou un avertissement ? Murmura-t-elle. Arnaud, se plaçant à ses côtés, répondit avec un calme presque désinvolte, mais son regard brillait d'un éclat intrigant. Certains y voient une malédiction, une manière de dissuader les profanateurs. Peut-être même qu'ils y croyaient vraiment. Il se pencha légèrement, un sourire plus malicieux étirant ses lèvres. Heureusement, nous sommes là en simple curieux. Fix, quant à lui, avait suivi la chef de caisse jusqu'à une pièce sécurisée, son sac de sport à la main. La salle, austère et fonctionnelle, était éclairée d'une lumière blanche crue. Une table métallique trônait en son centre, tandis que des caméras discrètes surveillaient chaque angle. Sans un mot, Fix posa le sac sur la table et ouvrit la fermeture éclair, dévoilant des liasses de billets impeccablement empilées. La chef, habituée aux transactions de cette envergure, conserva un calme professionnel, son regard précis alternant entre les billets et Fix. « Avez-vous un bordereau d'accompagnement ? » demanda-t-elle d'une voix neutre. Fix sortit un document de sa pochette en cuir et le lui tendit. « Tout est là, » répondit-il simplement. Elle examina attentivement le papier, un léger froncement rit dans son front. Après un instant d'hésitation, elle saisit un téléphone interne. « Je dois vérifier un détail avec notre service conformité, » annonça-t-elle. Fix, impassible, observa ses moindres gestes. Ses doigts jusque-là posés sur la table restèrent immobiles. La voix basse de la chef au téléphone, presque imperceptible, ajoutait une tension feutrée à l'atmosphère. Lorsqu'elle raccrocha, elle lui adressa un sourire professionnel. « Tout est en ordre. Nous allons procéder au dépôt. » Elle sortit un appareil à comptage automatique et fit passer les liasses sous les rouleaux, notant méticuleusement les montants sur un carnet. Alors qu'elle travaillait, un employé entra dans la pièce, une tablette à la main. Sa démarche nerveuse rompit la tranquillité ambiante. « Excusez-moi, madame, il y a une irrégularité mineure sur le bordereau. » Fix tourna la tête vers lui, son regard se durcissant imperceptiblement. « Une irrégularité ? » demanda-t-il d'un ton neutre mais chargé de sous-entendu. L'employé sembla hésiter avant de répondre, jetant un regard vers la chef. « Une anomalie dans le numéro d'identification. Rien de grave, mais cela nécessite une vérification auprès du gestionnaire du compte. » La chef hocha la tête avec assurance. « Monsieur Charançais, je vais m'en occuper immédiatement. » Fix esquissa un sourire poli. « Prenez votre temps. » répondit-il avec une tranquillité étudiée. Pendant qu'elle téléphonait, Fix adressa un regard froid à l'employé zélé, un sourire glacial jouant au coin de ses lèvres. Gêné, le jeune homme baissa les yeux. Quelques minutes plus tard, la chef raccrocha et revint avec un sourire apaisant. « La situation est réglée, une simple erreur de saisie. Le dépôt sera traité immédiatement. » Fix inclina légèrement la tête. « Parfait, merci pour votre diligence. » D'un geste précis, la chef tamponna le bordereau avant de le tendre à Fix, qui le glissa dans sa pochette. « Bonne journée, monsieur Charançais, » conclut-elle avec courtoisie. Fix répondit par un bref sourire et quitta la pièce avec son calme habituel. À l'intérieur, il savourait une satisfaction froide. La machine avait connu un raté, mais son flegme légendaire avait suffi à rétablir l'ordre. Un employé attendait dans le couloir pour l'accompagner jusqu'au bureau du chargé de clientèle. Là, Fix posa le bordereau sur la table en bois verni, observant avec soin chaque geste de l'homme. Le dépôt concerne un compte ouvert au nom de la Galerie Lumière des Âges, précisa Fix. Le chargé de clientèle ajusta ses lunettes et consulta rapidement son écran. Très bien. Je vois que le compte a été ouvert récemment, à titre caritatif. Nous allons enregistrer le dépôt. Souhaitez-vous autre chose ? Fix secoua légèrement la tête. Rien de plus, merci. Les doigts du chargé dansaient sur le clavier, tapant à un rythme rapide. Chaque étape renforçait l'apparente banalité de la transaction. Une fois terminée, il tendit à Fix un bordereau signé et tamponné. Désormais, document officiel. Fix glissa le papier dans sa pochette et se leva. « Merci pour votre efficacité, » dit-il d'un ton presque chaleureux. « Avec plaisir. N'hésitez pas à nous recontacter pour vos futurs dépôts, » répondit le chargé de clientèle avec un sourire poli. Fix quitta le bureau avec la même assurance qu'à son arrivée. Descendant les escaliers d'un pas mesuré, il veilla à ne pas attirer l'attention, son allure sobre et maîtrisée se fondant dans l'anonymat du lieu. Chaque rouage du plan s'était enclenché à la perfection. Il n'y avait aucune raison que cela change maintenant. Pour les employés qu'il croisait, il n'était qu'un client parmi tant d'autres, poli mais banal, le genre de silhouette qu'on oublie aussitôt après l'avoir vu. Mais derrière cette neutralité étudiée, chaque pas, chaque regard était calculé. Charancé savait que la moindre erreur, aussi insignifiante soit-elle, pouvait suffire à rompre le charme qui était à l'œuvre. Une fois dehors, Fix balaya les environs d'un regard rapide. Le tumulte discret de la rue vieille du temple tranchait avec l'attention feutrée qu'il venait de quitter. Sortant son téléphone, il composa un numéro, une seule sonnerie, puis d'une voix laconique, il lâcha un « C'est fait ». À l'autre bout de la ligne, Camille raccrocha sans répondre. Elle resta immobile un instant, le téléphone encore dans sa main, avant de le déposer doucement sur le bureau. L'appel de Fix, aussi bref qu'efficace, marquait l'aboutissement d'une phase cruciale de son plan. Tout s'était déroulé comme prévu. Chaque pantin avait joué son rôle à la perfection, souvent sans même s'en rendre compte. Un sourire étira lentement ses lèvres, empreint de cette rare satisfaction qui accompagne la réussite d'un pari audacieux. Les mots de Philippe de Macédoine résonnèrent dans son esprit. Diviser pour mieux régner. Chaque fil de son stratagème avait été tissé avec une minutie presque obsessionnelle. Chaque mouvement orchestré avec la précision d'une marionnettiste invisible. Désormais, la mécanique subtile qu'elle avait mise en place s'actionnait seule, sans qu'elle n'ait à intervenir davantage. Dans la banque paladine, les rouages continuaient de tourner sans elle. Au rez-de-chaussée, la princesse Hermione captivait son auditoire, ses récits ponctués de rires cristallins. À ses côtés, le marquis Léopold jouait avec brio son rôle de caution morale, ses remarques pleines de gravité renforçant l'image d'une démarche irréprochable. L'honorabilité du projet de vente caritative semblait sans faille. Pendant ce temps, Arnaud flirtait avec Adèle et Fix devait probablement savourer un remontant bien mérité dans un troquet du marais. Mais ailleurs, loin du tumulte de la rue et du murmure feutré des salons, le plan de Camille prenait vie, irréversible et parfaitement exécuté. Assise dans son appartement parisien, elle s'étira lentement dans son fauteuil, ses pensées bourdonnant d'une énergie froide et calculée. Elle murmura pour elle-même « Décidément, les meilleurs complices sont ceux qui ignorent qu'ils le sont. » Et derrière cette perfection apparente, quelque chose d'infiniment plus audacieux s'était joué, insaisissable pour tous ceux qui n'en tiraient pas les ficelles.